Semaine. La semaine dernière, pas d'émission pour cause de clé manquant, pour tout vous dire. Et donc, on en a profité évidemment pour faire un petit tour à Rome pendant les vacances de Pâques. On vous a ramené pas mal de cloches. Alors, je propose de démarrer avec une vraie scie, parce que je pense que vous n'avez pas encore assez soupé avec la présidentielle. Donc, on va démarrer avec un titre, un vrai hymne de 1981, un morceau très très très classique, sous le titre de Maintenant, ce qui me permet d'ailleurs de vous parler de la sortie de ce très bel ouvrage à la Fabrique Édition, sorti le 22 avril de cette année. Voilà, un vrai manuel de survie par les temps qui courent. Et on écoute ce titre de l'homme présidentiel de 1980, Maintenant. Thank you. Il me semble. To know. Oh, give me something to live for. Oh, give me something to die for. Francesco di Figueiredo et Mattioli, après des disques qu'on vous avait proposés ici même chez leurs compatriotes Boring Machines et autres No-Fi Recordings. Et donc ce Remoria qui sort ces jours-ci sur Soave, tout jeune label qui a été monté par des gens qui officient aussi au sein de Cinedelic Records et qui publient d'ailleurs plutôt des musiques de films et de la librairie musicale, notamment des disques de Ennio Morricone ou encore de Egisto Machi. Donc pas très étonnant de retrouver ceux-là, les héroïnes in Tahiti, sur cette nouvelle marque qui sort donc des choses plutôt avant-garde, toujours dans la musique italienne un peu bizarre. Et un nouvel album pour ce duo de Rome qui est plutôt à l'image des précédents, rien de très très nouveau sous le soleil, mais c'est plutôt pas mal. Et on a terminé avec le titre Desperate Nation du trio VVV, histoire de faire un dernier adieu à Mika Vainio, la moitié du groupe Pansonic, aux côtés d'Ilpo Väisänen, qui nous a quitté le 12 avril à 53 ans. Et ils étaient en compagnie de Alan Vega, qui lui est décédé à l'été dernier à 78 piges. Mika Vainio, qui avait été un musicien électronique de première classe avec des musiques un peu post-industrielles. Il était né à Turku en 1963. Il avait fondé le label Sako, ce qui veut dire électricité en finnois. Et son son préféré, ou sa musique préférée, c'était le son d'une fréquence continue à 50 Hz. Voilà donc pour Feu Mika Vainio. On va continuer un peu plus sous le soleil avec la redécouverte d'un musicien brésilien que je ne connaissais pas du tout. Il s'agit de Pedro dos Santos, joueur de berimbau électrifié, qui a travaillé avec tout le gotha des musiques brésiliennes, qu'il s'agisse d'Elis Regina, de Baden-Powell et autres Milton Nascimento. Et à la fin des années 60, il s'était fendu d'un premier 45 tours aux éditions Philips en 1967, et l'année suivante, il avait récidivé avec le Krishnanda, sorti également chez CBS en 1968, qui a été réédité ces derniers mois par le label Mister Bongo, label de Brighton spécialisé dans les rééditions tout autant éthiopiennes que brésiliennes, notamment pas mal de séries de 45 tours. Et Krishnanda, c'est un disque qui a été encensé par à peu près toute la stratosphère du nouveau groove, avec une pochette assez incroyable. Les ambiances sont vraiment somptueuses dans le psychédélisme le plus total. On écoute le titre Umso de Pedro Santos. Thank you. fancy Berlini, shad mali, abatu boy monshi umari, i ulwazli mashkurari, shirashi, teklif aboy bari, dostari, kishi van rüzmügen halat, kullan dari, arkoy rakar, shashulub shiga fiduzar, bazari gan ge emri mashkar, shashulub shiga fiduzar, bazari gan ge emri mashkar. Maskariyan raksi beliri, uçuy duslar vari mazandi. Seçem koyu var zari dalda bin, gurlu yavuşat valin garçların. Peşki yan rüzgü gen halar, ulan dari artuy rakar. Şakşılım siga fi duzdar, mazariyan gemi maşkar. Şakşılım siga fi duzdar, mazariyan gemi maşkar. Namci şadvala dirasi, şadvuyi sarhoşluğuncu. Hamışkıyın gelecekti, belli bağlar gersunası. Namci şadvala dirasi, şadvuyi sarhoşluğuncu. Hamışkıyın gelecekti, belli bağlar gersunası. Keşiğan rüzgügen helat, kullan dari artuyla. Şakşılım şıra fiduzdar, bazar yıkan gemri maşkar. Şakşılım şıra fiduzdar, bazar yıkan gemri maşkar. Rasibalar muyi akhirdar, mucir arin hula kaydar. Rasibalar muyi akhirdar, mucir arin hula kaydar. Ayıfbalar gerç nurası, kutuslarin şad valimdar. Ayıfbalar gerç nurası, kutuslarin şad valimdar. Kişi van rüzgügen kalar, kullan dari artuyra kar. Şakşılım sıra fiduzdar, bazar yıkan gemri maşkar. Şakşılım sıra fiduzdar, bazar yıkan gemri maşkar. Qui est un label qui est adepte des publications folk atypiques, avec notamment des spirituals des prisons d'Angola, du bluegrass des bayous ignorés, et cette fois-ci du folk capté in situ par le boss du label basé au nord du Caucase, Ored Recordings, qui a enregistré donc des sons de cette région très très méconnue de la Cis-Caucasie, entre la Tchétchénie, le Daghestan, l'Ingouchie, la Balkarie et l'Ossétie du Nord. Et ce label, donc, avec les moyens du bord, a enregistré depuis 2-3 ans ces peuples du Caucase, les Tcherkesses, les Abkhazes, les Kalmouks, descendants des Mongols, et autres Azéris ou Azéris turcs altaïques. Et l'objectif du label Ored Recordings n'est pas du tout ethnographique, mais plutôt d'enregistrer et de montrer la vitalité musicale de cette région du Caucase. Donc pas du tout d'enregistrer des traditions qui s'éteignent, bien au contraire. Et on y retrouve sur ces anthologies de Ored Recordings des chansons de l'époque soviétique, comme des choses plus traditionnelles ou rituelles, entre chansons de bardes avec juste un saz et une voix, comme c'est le cas dans la grande tradition perse, jusqu'à des ethnies plus mongoles, chamaniques ou altaïques. Et on a écouté successivement Ashik Kidir, qui était une musique presque, enfin très proche en tout cas de la poésie azérie, suivi d'une danse tchétchène par Movladi Youssoupan, avec un genre de balalaïka qui sonnait à toute berzingue. Et donc ces disques et ces enregistrements sont dus à un jeune tcherkesse qui a une petite trentaine d'années, qui s'appelle Boulat Kalikov. Non, Kalilov, et d'ailleurs il y a une interview de lui qu'on peut lire aussi sur internet sur Caucase FM. Et donc ce label a publié pas mal de choses qui sont un petit peu plus mises en avant par le label Death Is Not The End, qui a sorti ces deux compilations, la part 1 sous le sous-titre Song, la part 2 sous le sous-titre Dance. Et donc ce sont des compilations cassettes en tirage, allez, on va dire assez limité, mais qu'on peut écouter assez facilement sur le Bandcamp de Death Is Not the End, pardon. Et on a terminé avec un jeune groupe que je ne connaissais pas du tout, et pourtant ils s'en sont déjà à leur deuxième album. Il s'agit de Jou, avec l'album Souma, publié par l'excellente marque londonienne Rare Noise Records, qu'on passe vraiment très très régulièrement ces derniers temps dans les îles. Et Jou, c'est un trio expérimental de Budapest constitué du guitariste Adam Mézaros, du bassiste Erno Hock et du batteur Andras Almos. Une sorte de croisement entre Guru Guru, Last Exit et Frank Zappa, par exemple. Et c'est donc un second album pour ce Jou chez les Britanniques de Rare Noise. Ils avaient déjà publié une collaboration aux côtés du saxophoniste norvégien Kjetil Møster, qui d'ailleurs fait aussi un featuring sur le titre Partir de cet album Souma, de même que l'électronicien Balint Bolsko. Et ce qui est pour le moins original avec ces trois Hongrois qui manient avec un grand brio le métal matiné de jazz free, c'est l'utilisation d'instruments africains du type kalimba et pas mal de percussions aussi, également du ukulélé sur selon les titres, un disque qui fonctionne un peu comme une immense jam entre free rock assez féroce et jazz free. Voilà pour Ju et ce disque Suma qui va nous faire une très bonne transition avec le trio suivant qui là est lusitanien, donc des Portugais avec un saxophoniste, un contrebassiste et un batteur, André Mestre, qui est un sound artist qui a travaillé au Canada et qui joue également dans Au Morto, un projet qui a été documenté par Discrepant Records. Et André Mestre est aux côtés du contrebassiste Bernardo Alvarez et du batteur Rafael Suarez pour une tambouille entre impro free et musique tribale avec un côté aussi motorique, et puis des inspirations qui sont à chercher peut-être du côté des Pygmées Baka. Je vous propose d'écouter un extrait de cet excellent Demons Number One, un disque publié par la sous-marque du label Clean Feed Spuma Records, et c'est vraiment mon coup de cœur du moment. J'ai écouté ça en boucle tout le week-end dernier. On écoute un extrait de ce projet sous le nom de Alforge avec Alforjs et ce disque Demons numéro 1. We'll be right back. sûr, avec tout d'abord un trio de free music lusitanien qui nous a bien tapé dans l'oreille ces derniers jours. Ils répondent au doux nom de Alforges, avec A-L-F-O-R-J-S et un tréma quelque part, je pense, sur le O. Premier opus presque officiel, on pourrait dire, ce Demons One, publié par l'étiquette Spuma, donc un premier LP après un disque qu'ils avaient fait paraître l'an dernier de manière un tantinet plus confidentielle. Je pense que c'était uniquement disponible, écoutable sur leur Bandcamp, leur disque de 2016, Jengi, bon, qui est aussi très très bon. Le premier comportait deux pièces de pas loin de 15-20 minutes, et le deuxième 3. Là, je vous ai passé la pièce plutôt d'ambiance un peu tribale, et il y a aussi une pièce qui est beaucoup plus dans le jazz free, avec le sax de André Mestre, qui est donc ce monsieur qui officie aussi en tant que sound artiste et qui joue dans le projet Omorto. Voilà donc pour ces jeunes musiciens originaires du Portugal, totalement inconnus. Je pense qu'ils sont vraiment très très nouveaux sur la scène et très jeunes. Et on a enchaîné avec un disque des collections Soul Jazz, le fameux label britannique londonien que je n'avais pas pratiqué depuis quelques années. Et c'était l'occasion un peu de me repencher sur leur production avec la sortie de ce Drummers of the Society absolument guinin, Voodoo Drums in Haiti No. 2, sous-titré The Living Gods of Haiti, une production CD et vinylique. Soul Jazz qui a commencé à voyager à Port-au-Prince en 1996 pour enregistrer ses musiciens assez exceptionnels. Et donc c'est le troisième disque de ces rites de possession haïtiens qui sonnent presque comme de la techno house sur, parce que c'est vraiment très très hypnotique de bout en bout. L'ensemble de leurs productions sont de cet acabit du début à la fin. C'est vraiment très très bon, ce Drummers of the Society absolument guinin. Et on va continuer avec cette fois-ci un jeune projet du Danemark qui répond au nom de Tiger's Mind, qui est publié par une marque qui est à la fois danoise et nippone. Il s'agit du label Jutland, qui nous avait habitué à des choses très très intéressantes. Notamment, ils avaient sorti un 45 tours entre Selvanter et ZX. Puis donc pas mal de choses dans les productions de jazz free contemporain, à l'image de ce projet de ces trois musiciens, un batteur, un guitariste électronicien et une saxophoniste, Danielle Dahl. Et tous trois, donc, ils ont publié leur premier album à la fin de l'année 2016. L'album s'intitule Paradiso Pudding, ce qui est assez bien trouvé comme nom d'album. Par contre, la pochette est absolument hideuse, mais le contenu de ce disque est vraiment somptueux. On écoute un extrait de ce disque aux éditions Jutland et de ce projet très très méconnu des camarades des Selvanter. On écoute les Tiger's Mind avec le titre Uncertainty Matrix. We'll be right back.

séquence bois de jazz free, mais par la bande, avec tout d'abord les Tiger's Mind et ce disque Paradiso Pudding Mix, publié par l'étiquette Chutland, et qui est un projet donc guitare électronique, sax, batterie, qui envoie du lourd sur certaines séquences, comme celle qu'on entendait, Uncertainty Matrix, qui était enchaîné avec ce qui est peut-être le meilleur disque de ces dernières années de Rob Mazurek, le cornettiste et électroacousticien originaire de Chicago et qui s'est carapaté au Brésil pour jouer aux côtés de pas mal de musiciens locaux. Il fait notamment partie de ce projet Chicago London Underground qui a sorti d'ailleurs un disque récemment aux éditions Cuneiform, A Night Walking Through Mirrors. Et puis depuis quantité d'années, hein, donc différents projets, notamment ces fameux Chicago Ensemble, duo, trio, orchestra et tant d'autres, aux côtés notamment de Chad Taylor, avec lequel il ne joue quasiment plus depuis quelques années. Il joue notamment donc aux côtés de Mauricio Takara, le batteur, et Guillermo Granado, qui est un claviériste et électroacousticien. Et là, ils sont rejoints par un autre électroacousticien qui joue aussi des flûtes et différentes Rabeca, Thomas Rohrer, et Philippe Sommerveld est au piano préparé. C'est un des meilleurs disques de Rob Mazurek de ces dernières années, je trouve. Il s'intitule Chance and Corners et il est sorti, il est publié par l'étiquette Cleanfeed. Voilà, après Spuma, la subdivision, place à la maison mère qui n'est pas en reste pour nous proposer pas mal de joyeusetés comme on les découvre chaque semaine dans l'asile. Et avant de vous rendre l'antenne, je voulais vous rappeler la programmation pour les 20 ans de Les Labos, 20 ans, 20 jours, 20 lieux, entre le 25 avril et le 14 mai. Donc ça commence ces jours-ci, demain c'est l'inauguration. Donc une vingtaine de lieux, il y a des choses un peu partout, Abidjan, en ville, au Théâtre de la Parcheminerie, également Place du Parlement, au Jardin Moderne, aussi au Mondo, à l'Hôtel Pasteur, aux Ateliers du Vent, donc à peu près aux quatre coins de la ville, avec des cartes blanches, pas mal de théâtres, de danse et de compagnies dans tous les sens qui gravitent autour de Les Labos, et puis aussi pas mal de musique noise, du rock et du jazz free également dans les différentes propositions des 20 ans de Les Labos. Une programmation que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur leur site dédié 20 ans, 20 jours, 20 lieux.wordpress.com. On se quitte avec une dernière pièce et un trio particulièrement fameux qui réunit deux musiciens de la scène lusitano-brésilienne qu'on a pratiqué ces dernières années. Rodrigo Amado, le saxophoniste qu'on écoute depuis une bonne dizaine d'années, notamment avec aussi des productions Cleanfeed, de Note 2 ou sur son propre label European Echoes. Et cette fois-ci, il est rejoint par le contrebassiste Gonzalo Almeida, qui lui aussi est portugais et qui vit à Rotterdam et qui a fait partie, et qui fait partie d'ailleurs, de Albatre et autres Spinifex, pour ne citer que cela. Et ils sont rejoints par un batteur un peu moins connu, Marco Franco. Le disque s'intitule The Attic. Et c'est une production de l'excellente marque No Business. Voilà donc pour Rodrigo Amado. Je vous rappelle que l'émission est entièrement podcastable, réécoutable à partir du blog asile35.blogspot.fr. Et on se quitte donc avec une longue pièce de ce trio avant de rendre l'antenne aux camarades de Zion Highway qui sont déjà à pied d'œuvre. Je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine. À bientôt. Thank you.

ouvriers malades qui n'ont pas les moyens de s'arrêter de travailler parce qu'ils sont payés à l'heure. Pour la main ensanglantée par la machine, par ces rythmes qui s'accélèrent et épuisent notre attention. Pour ces cadences qui nous éreintent jusqu'à la crise tonnerre. Et ces usines qui nous jettent quand on n'est plus bon à rien. Merci, cadence. Sordide, où s'entassent les misérables, les parias, les exploités. Partout ce luxe superflu qui éclabousse autour de nous les vitrines, vides de nos yeux perdus. Salaire, il faut mendier le nécessaire. Alors que c'est nous, bon Dieu, les créateurs de richesses. Merci, satiété. Tous ceux qui veulent combattre et qui se retrouvent au matin licenciés. Pour les copains qui continuent cette lutte, pour que chaque jour change un peu notre vie. Mais tous ces gueux, quand ils réclament plus de justice, on leur fout à la gueule qu'ils sont subversifs. Merci, justice. Ouvriers et paysans, on dit qu'on a les mêmes dents de délinquants. On nous a roulés, vendus, marchandés, trompés, trahis. Nous n'avons bouffé que des copeaux toute la vie. Mais si nous prenions une arme avant de nous coucher, peut-être que demain quelque chose aurait changé. Merci, révolution. Thank you.